Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, ça ne fera pas exception, plein de belles nouveautés. On a choisi un bon 2 heures de musique bien tassée, Marc et moi, et on a une belle nouveauté pour commencer. Caligonaut, un premier extrait d'un album à venir. Caligonaut, ben, je pense que ça a été une belle surprise en 2021. L'album est paru en début de 2021, Magnified as Giant. On aura aussi Pineapple Thief de leur album de relecture Give It Back et Adrian Belew qui se passe de présentation avec un nouvel album qui a pour titre Elevator. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on fait un petit croche vers la Finlande. En effet, il s'agit du guitariste, compositeur et producteur Jani Limatainen. Et c'est son premier album, My Father's Son. On aura la pièce Haunted House. Et ce sera suivi de la formation argentine. Ils sont de Rio de Janeiro. Et alors, c'est la formation Galeria de Raíces. Et c'est leur plus récent album, Espíritu y Fuego, aussi paru en 2022. Et on aura la pièce Celestial. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, la primeur à la Radio de Québec avec la nouveauté de Caligonaut. Hello! Well, Michael of Caligonaut here, and you're presently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. I'm proud to present Caligonaut's new single, Because We Are Not Apart, for the radio show Terra Incognita, located at www.terraincognita.quebec on CKRL FM 89.1 Quebec City. Enjoy! Goes now the other one will souls on south fallen pine needles, and let the sun fall upon us through the trees. Cause we are not apart. I feel it every day. Like one soul. Give me a winter day. And you'll paint me sunlight and glittering sparks. Lie here with me. Curtain has been drawn. I will give it back to you. I will give it back to you. So give me a little love. Give it back to you.

This used to be the roof that would shelter me. Used to be the home where my heart would be. I don't even know how many years it's been since she never came and you ran from me. I'm empty now. I'm empty now. Nuestro ser. CKRL 89.1. Mai 2022, c'est le mois de la poésie. Spectacle, art visuel, slam, musique, danse, création, rencontre, thé et poésie. Découvrez toutes les activités du mois de la poésie sur moisdelapoésie.ca et suivez nos stories sur Instagram, Facebook et même TikTok. Le mois de la poésie est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La programmation informatique, ça s'apprend en faisant des vrais projets. À 42 Québec, tu apprends dans un contexte qui reflète la réalité du marché du travail. Découvre une formation pas comme les autres, gratuite, flexible et sans prérequis. Inscris-toi en tout temps sur 42québec.com et viens nous rencontrer lors de nos portes ouvertes le 29 mai prochain. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita. Pour cette seconde demi-heure, ben, on va donner le coup d'envoi avec une découverte pour moi. J'adore ce groupe-là. Je ne sais pas comment ça a pu passer sous le radar, du moins de ma part. La formation américaine de Los Angeles, plus, pour être plus précis, Lobate Scarp, qui nous a présenté récemment un second album, You Have It All. Le groupe avait déjà publié un album en 2012, Time and Space, un album réalisé avec beaucoup de musiciens. Et c'est aussi le cas de You Have It All, le second album du groupe. On y retrouve notamment Ryo Okumoto, le claviériste de Sparks Beard. Il y a aussi John Davidson de Yes et de Glasshammer. Billy Sherwood, d'ailleurs, John Davidson et Billy Sherwood chantent sur la même pièce et la pièce titre. Et c'est une belle découverte, ma foi. Je vais m'arranger pour dénicher le premier album. Belle surprise, donc Lobate Scarp de Los Angeles. Et on aura tout de suite après Starfish 64, un groupe qui a été mis sur pied en 2006, un groupe allemand, mis sur pied par le chanteur Dieter Hoffmann. C'est leur septième album. Ça aussi, c'est un groupe qui est peut-être un peu passé sous le radar. Le nouvel album a pour titre Scattered Pieces of Blue. On vous a d'ailleurs présenté un extrait la semaine dernière de cet album. Et ce soir, ben, on va écouter la pièce Bird Song. Et après ça, Marc, je pense qu'on y va avec un doublé. Oui, c'est un doublé argentin. Deux formations de Buenos Aires. On aura d'abord la formation Autumn Midnight. C'est un duo. Ça a été fondé en 2009. Ils ont trois albums à leur actif. On va écouter un extrait de leur plus récent album, paru en 2018, l'album Passengers. C'est un rock qui est résolument moderne, à la Porcupine Tree, mais instrumental. Et ce sera suivi de la formation Meret. C'est une nouvelle formation, un sextet. Il propose un rock progressif symphonique avec le violon, entre autres, qui donne une belle couleur à cette musique, qui est jouée un peu dans le style de ce qui se faisait dans les années 70. Leur album s'intitule Ceremonias et on aura la pièce Levé. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on y va avec la formation californienne Lobate Scarp. We'll be right back. His test is still derived from data. It's just an echo of his creation. Lily draws the windows open wide. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Désireux de vous faire découvrir l'éventail de couleurs dont regorge notre musique traditionnelle, ainsi que les différentes musiques du monde, le Festitrade est également soucieux de vous faire découvrir la magnifique région de Saint-Jean-de-Mata dans le cadre de sa 6e édition du 19 au 21 mai prochain. Montez dans l'autobus et profitez du circuit touristique comprenant 3 arrêts chez autant de producteurs agroalimentaires de la région. Détails et billetterie sur lefestitrade.com. CKRL. Communication. Culture. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on terminera avec la formation italienne Accordo dei Contrari. C'est une formation originaire de Bologne, en Italie, et ils ont débuté en 2001. On écoutera un extrait de leur plus récent album, Ur, paru en 2021. Et c'est un album qui avait été enregistré au tout début 2020, mais avec la pandémie, la parution a été retardée. Alors, on aura... juste avant la formation du Royaume-Uni Retreat from Moscow. Et c'est leur premier album paru en tout début d'année, The World as We Knew It. On aura également la formation du Royaume-Uni Capricars Constant et un extrait de leur nouvel album The Murder Wall qui est paru au mois d'avril. Alors on aura la pièce prologue. Mais tout d'abord, Michel, une formation italienne qui a fait paraître cette année un nouvel album, et franchement, ça risque d'être un des coups de cœur de plusieurs amateurs de rock progressif. Oui, un album qui est paru quasi simultanément avec deux autres excellent album italien. On peut dire que ça a été une bonne période. Je parle, évidemment, là, on parle de Nathan, le dernier album Uomini di Sabbia, et à peu près à la même époque, on a eu aussi Odessa, leur nouvel album, et de Rossi Bordini aussi, donc belle, une bonne récolte italienne. Nathan, ben écoute, c'est le troisième. Le premier est paru en 2016, Nebulosa, Era en 2018, qui avait fait une entrée, il avait vraiment frappé fort avec Nebulosa, donc après ça, Era est peut-être pas satisfait certains, mais quand tu l'écoutes sans tenir compte du premier, il est excellent lui aussi. En fait, c'est trois excellents albums de ce groupe. Et on écoute un extrait donc de Uomini di Sabbia de la formation italienne Nathan. no inevitability, no one size fits all, no panacea. If you come to prod the yoga armed with panic or composure, does the mountain give a damn you ventured here? Sick man's chest, speared, roped, tunneled, feared, mile high, rotting limestone sheer. Spectres not conceited, neither killer nor defeated, not belligerent or affable bartends. Hotel telescopes, panorama, cruelly magnifies the drama. Watch its frozen lips proclaim, tell mother I died game. See the greatest mystery, every niche shrouded in history, in summit fever's name, tell mother I. Streets in the city of dust and dreams and never-ending schemes. Take the road to honor and sit and stay. CKRL 89.1. Ici Pierre-Hervé Goulet, c'est moi le porte-parole artistique du Radioton 2022 de CKRL. Quand j'ai lancé mon premier album en 2016, CKRL a été une des premières radios à faire jouer mes chansons et encourager ce que je fais, et ils le font encore aujourd'hui. Je vous invite au Radioton de CKRL du 27 au 29 mai 2022. Je vous invite à être généreux et généreuse. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés à la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita. Et dans ce prochain bloc musical, on débutera avec la formation américaine Glass Hammer, tirée de leur album Chronomonote, paru en 2018. Et il y a sur ça la contribution de Matthew Parmenter au chant, ce qui fait vraiment une couleur très différente de ce qu'on connaît habituellement de Glass Hammer. On aura la pièce The Past is Past. Et ce sera suivi, Michel, d'une formation brésilienne. Oui, une formation de Rio de Janeiro, au Brésil. Le nom de cette formation, c'est Caravela Escarlate. Un seul album disponible. Il y a un premier disque qui est paru en 2016, là, vraiment dans l'anonymat complet. Et celui-ci, le deuxième, paru en 2017 sur étiquette brésilienne indépendante. Et puis, le groupe a été recruté par la maison norvégienne Charisma Records. Le disque a été réédité, et plus facile aussi d'accès avec cette entente avec la maison Charisma. Et on va écouter un extrait de cet album qui s'intitule tout simplement Caravella Escarlate. Mais en attendant, on y va avec Glass Hammer. Take the trip, one little step into the slipstream. Does it all? Don't be

Agora ele está ta voix. A cada pé escarlate, agora está fora do mar. Entre as nuvens e aves, agora ela está a voar. Ce soir, on vous laisse avec un extrait de l'album The Rime of the Ancient Mariner Chapter 1 de la formation italienne Hot Sonaton. On attend toujours la seconde partie, mais selon Luca Scherani, c'est possible que le disque finalement apparaisse en 2022 ou 2023. On se croise les doigts. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. It's an ancient mariner and he stopped one of three by thy long gray beard and glittering eye. Now wherefore stopst thou me? Bridegroom's doors are opened wide, and I am next of kin. The guests are met, the feast is set, mayst hear the merry din. He holds him with his skinny hand. Now was a ship, quoth he. Hold up, unhand me, graybeard loon. Soon's his hand from tea. He holds him with his glittering eye. The working gas to steal. And listens like a wheel's child. Mariner at his wheel. The wedding guest sat on a stone. He cannot choose but hear. Thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. war goes, the merry minstrels Change.